Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qui sera entière. Hein. Oui, pas de jours fériés, pas de vacances. Et si vous étiez en vacances avec ces 15 jours pendant les fêtes de fin d'année, eh bien bon courage à vous, c'est parti, allez, 6 semaines avant les prochaines vacances. Nous sommes le lundi 7 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Raymond, ça vient du germanique signifiant qui protège avec sagesse. Raymond possède une grande puissance qu'il utilisera la plupart du temps dans le travail. Même si son émotivité et sa sensibilité sont fortes, ce n'est pas ce qui apparaît en premier lieu chez lui. En effet, il a une telle emprise sur lui-même qu'il semble en général plus rude et brusque qu'il ne l'est réellement. Tant sa timidité, son manque de spontanéité, sa réserve et sa pudeur naturels sont accusés. Sa principale force est très certainement sa capacité à suivre son chemin. Il n'est pas vraiment impressionnant, d'autant qu'il ne recherche pas à produire un tel effet. Sa devise pourrait être « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Raymond est plutôt lent, déterminé, sait très vite ce qu'il veut, qu'importe s'il lui faut des années pour voir aboutir ses projets. Calme et réfléchi, il possède une certaine méfiance et de la prudence. En effet, comme il a tendance à maîtriser son agressivité et à réprimer ses sentiments, il demeure longtemps sous le coup d'une émotion ou d'un affront. C'est un personnage rancunier qui rumine et n'oublie jamais. Très humain, s'il vit son maître nombre 22, il pourrait avoir des réalisations d'envergure. Soyez-en sûr, Raymond ne se fait peut-être pas remarquer, mais sa volonté et sa détermination sont inébranlables, ce qui lui confère des potentialités exceptionnelles. Deux autres prénoms, aujourd'hui, le premier c'est également la Saint-Cédric qui vient de l'anglais chef de bataille. Il a une forte personnalité qui tente à en imposer tant par son magnétisme que par son apparence réservée, ainsi que son souci de paraître ou d'impressionner. Tour à tour introverti et extraverti, social, c'est un homme attachant, charmant, qui a besoin de plaire et d'être aimé, bien que somme toute centré sur lui-même. Souvent courtois, il a du tact, mais il lui arrive de commettre des erreurs. Il est élégant et raffiné, peut-être esthète, à moins qu'il ne se contente d'apprécier les plaisirs de ce monde. La gourmandise est un de ses péchés mignons. Le sentiment prend une place importante dans sa vie. Il est souvent marqué en bien ou en mal par sa famille. Cédric ne fuit pas les responsabilités. Sa volonté est forte, même s'il connaît parfois l'hésitation. Lorsqu'il est animé par une motivation, il est capable d'aller jusqu'au bout du parcours qu'il s'était tracé. Exigeant, autoritaire et directif, Cédric est aussi susceptible d'avoir sous des dehors calmes des accès de colère lorsque l'on s'oppose à ses désirs ou que l'on fait montre d'iniquité. Orgueilleux, il donne l'impression d'être sûr de lui-même, déteste la médiocrité et les bassesses. Aussi sensible à son image de marque, n'accepte-t-il guère l'échec et fait-il en sorte de se dépasser ou de se surpasser? N'est-il pas le meilleur? Et enfin, autre prénom, c'est également la Saint-Virginie qui vient du latin signifiant pure vierge. Un excès de chiffres 9 dans ce prénom rend Virginie fragile, hyper-émotive, fantasque, rêveuse, intuitive et imaginative. C'est une femme très sensible, même si elle donne l'impression d'être détachée. Son moyen de défense étant de se protéger derrière une cuirasse de réserve ou de froideur. Son personnage déconcerte car on peut la trouver tour à tour réservée, muette, repliée dans sa tour d'ivoire, puis excitée, passionnée, bavarde. Le tout dépend du moment présent qui est ressenti comme très intense ou de l'ambiance affective dans laquelle elle se trouve. Heureusement qu'elle a de la chance car elle n'est pas toujours très armée face aux difficultés de la vie. Elle tend facilement à se couper des réalités ou à vivre vite dans une mobilité incessante. Virginie est une inquiète d'une grande nervosité et il est vrai qu'elle a tendance à se poser trop de questions préjudiciables à sa sérénité. Pourtant, si la vie est facile pour elle, elle saura se montrer souple et adaptable, enthousiaste et gaie, elle est coquette et pourvu de charme. Dicton du jour, s'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long. Célébration internationale aujourd'hui en Italie, c'est la fête du drapeau. Et dans les événements qui se sont déroulés un 7 janvier en 1714, Henri Mille déposait le premier brevet pour une machine à écrire. 1789 avaient lieu les premières élections aux États-Unis. En 1841, c'était l'élection de Victor Hugo à l'Académie française. 1927, première communication téléphonique internationale entre New York et Londres. 1929, première publication de la bande dessinée de Tarzan. Et enfin, en 2002, le couturier français Yves Saint-Laurent annonçait son départ de la maison de couture qu'il avait fondée en 1962 aux côtés de Pierre Berger. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Hardwell et le titre « How You Love Me ». Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me. I wanna wake up now and see you there when I turn around. I wanna see you smile when you look back, still feeling now. I wanna work this out, but I'll admit that I don't know how. Wait up now, wait up now. Celebrate, raise your glass and blaze your blunts and keep giving me whatever I want. I love how you're loving me, kissing and hugging me. You where I wanna be, I don't want no company. As long as you comfort me and stay with me, come with me, but do it abundantly. Yes, you got a G with you, and I make plans just to be with you. No wishing well, five star hotel, all kiss no tell, now say Hardwell. So right, treat me so right, do me so right now. Ooh, I love how you love me. Hardwell sur RGM, un peu plus de 8h38, soit je peux même presque dire presque 8h39. On est toujours ensemble dans la matinale et on passe tout de suite aux anniversaires. Ils sont nés un 7 janvier, on commence en 1956 avec la naissance de David Caruso, comédien américain vu dans Rambo dans le rôle de Mitch, dans les séries New York Police Blues, Michael Hayes dans le rôle de Michael Hayes, mais on le connaît surtout pour son rôle d'Horatio Kane dans Les Experts Miami et il est apparu également dans Les Experts et Les Experts Manhattan quand les séries se croisaient. 1958, naissance de Linda Kozlowski, actrice américaine connue pour son rôle de Sue Carlton dans les films Crocodile Dundee 1, 2 et 3 et vue également dans Le Village des Damnés. 1964, naissance de Nicolas Cage, acteur américain vu dans Cotton Club dans le rôle de Vincent Dyer, Sailor et Lula dans le rôle de Sailor Ripley, Leaving Las Vegas dans le rôle de Ben Sanderson, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, vu dans Volteface dans les rôles de Castor Troy et Sean Archer, La Cité des Anges, dans le rôle de Seth, 60 secondes chrono, Sony, Les Associés, Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers, et Benjamin Gates et Le Livre des Secrets dans le rôle de Benjamin Gates, Ghost Rider 1 et 2 dans le rôle de Johnny Blaze alias Ghost Rider, Prédiction, Kick-Ass, L'Apprenti Sorcier, Le Dernier des Templiers, réalisateur du film Sony et producteur des films Sony et L'Apprenti Sorcier. C'est également l'année l'année de naissance de Christian Louboutin, créateur français de célèbres chaussures et de sacs à main de luxe. 1971, naissance de Jeremy Renner, acteur américain, vu dans SWAT, unité d'élite, dans le rôle de Brian Gumble, dans Mission Impossible, Protocole Fantôme et Mission Impossible, Rogue Nation, dans le rôle de William Brandt, vu dans Jason Bourne, L'Héritage, dans le rôle d'Aaron Cross, alias Kenneth James Kitsom, vu dans Hansel et Gretel, Witch Hunters, dans le rôle d'Hansel, mais on le connaît surtout pour son rôle de Clint Barton, alias Hawkeye, dans Thor, Avengers, Captain America, le soldat de l'hiver, Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America, Civil War, et il sera à l'affiche d'Avengers Endgame, sortie prévue pour cette année, plus que quelques mois à attendre. 1985, naissance de Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 britannique, évoluant depuis 2007, quintuple champion du monde de F1 en 2008, 2014, 2015, 2017 et 2018, recordman du nombre de pole positions avec 83, et à noter 134 podiums et 73 victoires. 1987, naissance de Lindsay Fonseca, actrice et mannequin américaine, vue dans Kick-Ass 1 et 2 dans le rôle de Cathy Doxma, la série télé Les Feux de l'amour dans le rôle de Colin Carlton, How I Met Your Mother dans le rôle de Penny Mosby, Desperate Housewives dans le rôle de Dylan Mayfair ou encore Nikita dans le rôle d'Alex Oudinoff. 1988, naissance d'Hardwell, DJ hollandais. 1989, naissance de John Degenkolb, cycliste sur route allemand, qui a remporté l'UCI Europe Tour en 2012, le Paris-Roubaix en 2015, le Milan-San Remo en 2015, le classement par points du Tour d'Espagne en 2014, et à noter qu'il a remporté 12 étapes de grand tour, hein, une sur le Tour de France, 10 sur le Tour d'Espagne et une sur le Tour d'Italie. 1991, naissance de Clément Grenier, footballeur français, qui de 2009 à 2018 était en contrat avec l'Olympique Lyonnais. En 2017, il a été prêté à l'AS Rome. En janvier 2018, il a signé à Guingamp avant de signer pour le Stade Rennais en juillet dernier. C'est également l'année de naissance d'Eden Hazard, footballeur belge qui de 2007 à 2012 a joué à Lille et depuis 2012 il joue à Chelsea. En 2010, décédé Philippe Séguin, homme politique français qui fut maire d'Épinal de 1983 à 1997, député de la première circonscription des Vosges de 1988 à 2002, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, président de l'Assemblée national, premier président de la Cour des comptes. En 2015 avait lieu l'attentat contre Charlie Hebdo, on s'en souvient malheureusement, et ce jour décédé Jean Cabu, dit Cabu, caricaturiste français pour Charlie Hebdo, Elsa Kaya, psychanalyste française et chroniqueuse du journal, Stéphane Charbonnier, dit Charb, dessinateur satirique et journaliste français, dont il était d'ailleurs directeur de Charlie Hebdo, Philippe Honoré, dessinateur de presse français, notamment pour Charlie Hebdo, décédé également Bernard Maris, dit Oncle Bernard, économiste français, chroniqueur du journal, Mustapha Ourad, correcteur du journal, Michel Renaud, journaliste et voyageur français, Bernard Verlac, dit T-News, caricaturiste et dessinateur de presse français pour le journal, et Georges Volinsky, dessinateur de presse français pour Charlie Hebdo. En 2016, décédé André Courrèges, couturier français, fondateur de la maison qui porte son nom, promoteur de la mini-jupe et du pantalon pour les femmes dès le début des années 60. Et l'année dernière, eh bien, on apprenait le décès de France Gall, chanteuse française dont on écoute tout de suite le titre « Résiste ». Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. We'll be right back. que ça vaut la peine. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton Résiste, France Gall sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h48 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo complète. La météo. Et aujourd'hui, on va passer la journée sous les nuages. Et à noter que quelques flocons de neige sont à prévoir en soirée, mais vraiment très très tard aujourd'hui. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés ce matin, entre 3 et 4 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, on commencera la journée avec quelques flocons de neige. Ce sera les restes de ce qui va tomber ce soir et cette nuit. Peu à peu, ça va se transformer en pluie. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés pour mardi matin, entre 3 et 4 degrés pour mardi après-midi. Et mercredi, on devrait avoir des averses de neige, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin et entre 1 et 2 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on passe tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le football et les résultats des 32e de finale de la Coupe de France. Et malheureusement, il n'y a plus de club vosgien après l'élimination de Raon L'Étape, 2-0 au club de Croix. Mais il y a encore des clubs lourds, puisque Nancy s'est imposé 1-0 à Le Puy et Metz s'est imposé à Saint-Quentin 2-1 après prolongation. Et cette Coupe de France est décidément magique. plus les années passent et plus eh bien, on a des résultats assez surprenants, avec notamment Viry Châtillon, club de R1, qui a éliminé Angers, club de Ligue 1. Le club de Marignane de National a éliminé Clermont, le club de Ligue 2. Autre club de Ligue 2 éliminé, c'est celui de Niort par Bergerac, club de National 2. L'entente SSG, club de National, a éliminé Montpellier, club de Ligue 1. Et Andrézieux a éliminé l'Olympique de Marseille, 2-0. Alors décidément, rien ne va plus chez les Marseillais. Et sinon, bien voilà, c'était vraiment les résultats les plus surprenants, on va dire, de ce week-end de Coupe de France. Un mot de cyclo-cross, ce week-end, ça se passait à Lamézière. Steve Chenel a terminé 10e. C'était la dernière course avant les championnats de France qui auront lieu ce week-end, j'allais dire le week-end prochain, mais non, c'est déjà ce week-end. Un mot de hockey sur glace avec la Détroit et Épinal qui s'est imposé 6-2 face à Reims. À noter le retour dans l'effectif de Nathan Gantz et Romain Moffret, l'absence de Guillaume Chassard, le retour dans les Vosges et à son club d'Épinal de Julien Vogt qui a passé plus d'un an au Canada. Et il serait possible également d'un retour de Martin Charpentier au sein de l'effectif spinalien, mais pour l'instant le retour n'est pas acté. Et on va tout de suite écouter Nicolas Martin, le coach de l'EHC. Avec Nicolas, le match n'a pas été tout le temps très très facile, comme au match aller, on s'en souvient. Mais voilà, la victoire au final, elle est là, et c'était le plus important de rester invaincu en ce début d'année. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on commence l'année sur une victoire. Ça met toute l'équipe sur les bons rails. Après, on va retenir la victoire de ce soir, mais je n'ai pas été très content du contenu que j'ai vu ce soir de certains joueurs. Donc maintenant, ils se reconnaîtront et à eux de travailler fort pour garder du rythme et qu'on puisse attaquer les prochains matchs, surtout les playoffs, avec une équipe compétitive et une équipe motivée. Alors à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'ils n'étaient pas forcément tous au niveau? C'est peut-être le fait de ne pas avoir joué pendant un certain temps. Il y a eu le relâchement des fêtes. Il y a un peu de tout. Exactement, il y a les 15 jours de fêtes où les entraînements ont été coupés. Il y a aussi le manque de rythme par rapport à ça. Et puis il y a aussi le temps de se remettre dedans, c'est encore les vacances. Psychologiquement, je pense que c'est là où on n'était pas forcément très prêt. On arrive quand même à gagner des matchs, même quand on ne fait pas des gros matchs. Mais il ne faut pas se satisfaire de ça. Le public de ce soir, on le rappelle, 2300 personnes présentes en ce début d'année, a poussé l'équipe dans ce retranchement pour aller justement chercher cette victoire. Et c'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du deuxième tiers. J'ai dit, les gars, heureusement qu'on a un public qui nous pousse. On pourrait les remercier à la fin du match parce que grâce à eux, on a trouvé les ressources pour se motiver et puis aller chercher cette victoire. Parce qu'on était, malmenés à des moments. Et c'est vrai que le public nous a vraiment aidés, et puis de jouer avec une patinoire remplie comme ça, c'est juste incroyable. C'est phénoménal, il n'y a qu'à Épinal qu'on peut voir ça. Exactement, et tout confondu, que ce soit de la Magnus à la Détroit, je pense que je le dis depuis des années, et je confirme qu'on a un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur. Merci bien Nicolas. Et voilà, on est chauvin peut-être, mais c'est la réalité. Plus de 2000 personnes présentes samedi soir à la patinoire de Poissompré, ce qui est un record pour un match de Détroit. Ça s'est jamais vu nulle part. Le club qui se rapproche le plus d'une telle performance, c'est le club de Marseille. Mais voilà, c'est hallucinant ce qui se passe à Épinal. Le hockey n'est pas encore mort à Épinal. Allez, on passe dans le reste de l'actualité sportive avec du handball messieurs et le match de samedi France-Slovénie qui a été remporté 34-25 par les Français à quelques jours du mondial. C'est très très bien. Un mot de biathlon ce week-end, c'était la Coupe de France. Le sprint féminin a été remporté par Justine Brezaz. Le sprint messieurs par Martin Perilla-Botonnet devant Aristide Beg et Fabien Claude. Aristide Beg qui a remporté la poursuite messieurs et côté féminin. féminin, c'est Chloé Chevalier qui a été titrée. Un mot de basket ce soir en National 1, le Jet Vosges se déplace à Saint-Vallier. Et on termine avec du tennis. Tout d'abord, la Hopman Cup qui a été remportée par la Suisse avec Roger Federer et Belinda Bencic. La finale opposait la Suisse à l'Allemagne. Et d'ailleurs, Alexander Zverev a charrié un petit peu Roger Federer à la fin en disant qu'il en avait un petit peu marre du joueur suisse et qu'il espérait remporter la Hopman Cup. Il dit « Laisse-nous remporter une Hopman Cup ». Mais voilà, c'était dans la bonne humeur, bien évidemment. Et trois nouveaux tournois cette semaine. Tout d'abord, le tournoi féminin de Hobart où aujourd'hui, Pauline Parmentier s'est qualifiée face à Perez, 6-2, 5-7, 7-5. À noter qu'au tournoi de Sydney, Kristina Mladenovic a été éliminée dès les qualifications par la 283e mondiale. Décidément, rien ne va plus pour la joueuse française. Et à Auckland, aujourd'hui, Benoît Paire a été éliminé par Nori en 2-7, 6-3, 6-2. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec un chanteur qui fêtait son anniversaire ce week-end. C'est le chanteur italien Neck. Et on s'écoute son titre « Laura Noce ». Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto. Ci sei te. Ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io provi a scappare. Bene d'amore c'è, solo Laura è la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso. Ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso. E ora so, c'è ancora tra me e te. Laura Noce sur RGM, il est bien quasi 9h. On n'a pas le temps de parler des émissions qui vous attendent aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain. Bye bye.